Jean Lebrun, dans le vif de l'histoire, aujourd'hui vous conseillez à la Première Ministre une source d'inspiration, la journée mondiale des abeilles vendredi. Vendredi 20 mai, oui. Ce sera peut-être après le premier conseil des ministres, ou juste avant le premier conseil des ministres d'Elisabeth Borne. Je me suis laissé inspirer par un livre qui tombe à pic, Le miel, une autre histoire de l'humanité, Marie-Claire Frédéric, Albin Michel. Eh, c'est pas rien d'avoir de l'inspiration. Vous vous souvenez, Bruno, de Ponce Denis Lebrun? Absolument pas. 1729-1807, couramment appelé Lebrun Pindare. Ah, du nom du grand poète de la Grèce antique, eh bien, figurez-vous que son talent venait des abeilles qui s'étaient portées sur ses lèvres, enfant, et y avaient déposé un rayon de miel. Je le conjure avant cette chronique. Les Lebrun ont tous les talents, mais les abeilles n'ont pas seulement à voir avec le talent. Dans le passé, elles ont été associées au pouvoir. Vous vous souvenez de Lebrun, Charles-François? Toujours pas. 1739-1824. Il était pourtant, Bruno, troisième consul de Bonaparte. Et à ce titre, il a été associé à la création des symboles que son patron voulait utiliser pour l'imaginaire de son empire à venir. Lebrun, esprit un peu sommaire et conservateur, oui, proposa sottement, j'entends bien, de reprendre la fleur de lys. D'autres évoquèrent le lion, l'éléphant, le chêne. Cambacérès, deuxième consul, avança l'hypothèse de l'abeille. Il évoqua une découverte du siècle des Lumières. À Tournai, on avait trouvé des abeilles figurées dans le tombeau de Childéric, dont vous vous souvenez qu'il est le père de Clovis. Ah oui. À l'usage, il s'avéra que c'était des cigales. Mais enfin bon, Cambacérès insista sur la capacité des abeilles à résister au temps, et il convainquit à demi Bonaparte, qui préféra l'aigle, mais mit l'abeille en position seconde. Et cher Lebrun, on était encore pour quelque temps en République, et Cambacérès dit aussi que la ruche était une manière de République avec un chef. À la ruche, alvéole, faite de la cire, fabriquée par les abeilles elles-mêmes, osier, roseaux évidés, enduits de boue, de bouse de vache, écorce, tronc d'arbre évidé. Enfin, je parle pas de l'hôtel de Matignon, mais des premières représentations de la ruche. Elles se rencontrent dans l'Égypte ancienne, chère au général Bonaparte. Il a fallu, au 18e, beaucoup de temps pour admettre que la ruche n'avait pas à son poste de commandement un roi, mais une reine. Dès 1737 était imprimé un dessin décrivant les organes de reproduction de la reine abeille. Mais Cambacérès, homosexuel notoire, sachant pas trop bien quelle place faire aux femmes, a maintenu la fiction du roi des abeilles devant Napoléon. Et le président Macron, qu'à ses débuts on a comparé au premier consul, souhaite une première ministre productive. Elle continuera de faire de Matignon une ruche. Il veut aussi une première ministre sociale et écologique. Eh ben, qu'à cela ne tienne, je vais me tourner vers d'autres écrits que le livre de Marie-Claire Frédéric et qui relèvent de la plus haute antiquité. Non pas les papyrus Caïn, 1900 avant notre ère, et Berce, 1550 avant notre ère, ni le papyrus médical de Berlin, moins 1250. Vous vous souvenez de Daniel Cohn-Bendit? Oui. 1947, point d'interrogation. Ben, il a publié naguère un petit traité d'imagination politique à l'usage des Européens, où il distinguait de l'abeille seulement productive, l'abeille pollinisatrice. Alors, l'utilité de celle-ci, incalculable, c'est de savoir passer d'une fleur à l'autre, d'un monde à l'autre, comme il convient aux individus mobiles que nous sommes. Et vous vous rappelez qu'Elisabeth Borne, même si elle a mis un moment la SNCF à l'arrêt, est l'auteur de plusieurs plans mobilité, notamment à vélo. On dit en revanche qu'elle ne peut être une chef, une locomotive pour la majorité pendant la campagne des législatives. Oui, mais les abeilles ont acquis des caractéristiques qui leur permettent de collecter des votes, je veux dire du pollen, dans les endroits les plus difficiles d'accès, des brosses sur l'abdomen, des poils crochus sur les pattes antérieures. Elles émettent aussi des vibrations afin de récolter des pollens qui ne s'ouvrent que par les pores, et ce sera très utile à Madame Borne pour faire franchir le limite des LR hésitants ou des ex-PS hésitants. Bon, et si d'aventure elle perd les législatives? Ben, il n'y a pas de cas désespéré. Voyez Sainte Rita. Sainte Rita, elle aimait beaucoup les abeilles. C'est la cause, la patronne des causes désespérées. Elle dormait dans son berceau accompagnée d'un essaim d'abeilles qui entrait et sortait par sa bouche au rythme de sa respiration sans la piquer. Un paysan s'était blessé avec sa faux non loin. Il saignait d'abondance, il a couru vers la maison de Rita. D'un geste machinal, il a vu les abeilles autour du berceau. Il les a écartés et miracle, quand il a ramené sa main vers lui, sa blessure avait disparu. Sainte Rita, patronne des cas désespérés, c'est ce lundi 22 mai, quand les premiers ennuis auront commencé pour Madame Borne. Jean Lebrun, Le vif de l'histoire, et donc le livre de Marie-Claire Frédéric chez Albin Michel, Le miel, une histoire, une autre histoire de l'humanité. Et en plus, il y a plein de Lebrun à l'intérieur. France Inter.